Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 29. Des biens surnaturels, ou de la cinquième sorte de biens dans lesquels la volonté peut se complaire, en quoi ils consistent, comment on les distingue des biens spirituels, de quelle manière il faut rapporter à Dieu la joie que l'on y trouve. Il convient de traiter maintenant du cinquième genre de biens dont l'âme peut se réjouir, à savoir, des biens surnaturels. Nous entendons par là, les grâces et les dons accordés par le Seigneur, qui excèdent les facultés et la puissance naturelle. La théologie les appelle gratis datos, donc gratuits. Tels sont les dons de sagesse et de science conférés à Salomon, 3, Rois, 4, 29, les grâces énumérées par saint Paul, la foi, la grâce de guérir les maladies, le don des miracles, l'esprit de prophétie, le discernement des esprits, l'interprétation du langage, enfin le don de parier diverses langues, 1, Corinthiens, 12, 8, 9, 10. Sans doute, tous ces biens sont spirituels, comme ceux du sixième genre dont nous nous occuperons plus tard, néanmoins il existe entre eux une différence notable, c'est pourquoi j'ai voulu les distinguer les uns des autres. L'exercice des biens surnaturels a pour but immédiat l'utilité du prochain, c'est pour ce motif et en vue de ce résultat que Dieu les envoie, nous dit saint Paul. Les dons du Saint-Esprit, qui se font connaître en dehors, sont donnés à chacun pour l'utilité commune, ibidem, 7. Mais les biens spirituels ont pour objet les seuls rapports de Dieu avec l'âme, et réciproquement, par l'union de l'entendement et de la volonté, nous les expliquerons plus loin, telle est donc la différence entre les uns et les autres. Les biens spirituels regardent Dieu et l'âme, et les biens surnaturels sont appliqués aux créatures pour leur avantage, ce n'est pas tout, ils se distinguent aussi quant à la substance, et par suite, quant à l'opération. Il est donc absolument nécessaire d'établir une division dans la doctrine. Parlons actuellement des grâces et des dons surnaturels, dans le sens que nous leur donnons ici, pour surnaturaliser la vaine joie dont ils sont la source. Il est à propos de signaler deux avantages qui sont inhérents à ce genre de bien. L'un est temporel et l'autre spirituel. Le premier est la puissance de guérir les malades, de rendre la vue aux aveugles, de ressusciter les morts, de chasser les démons, d'annoncer l'avenir aux hommes, et autres effets semblables. Le second avantage ne regarde plus le temps, mais l'éternité. Il se résume dans le désir de voir Dieu plus connu et mieux aimé, soit par celui qui opère ses prodiges, soit par ceux qui en sont les objets ou les témoins. À l'égard du premier avantage qui est temporel, c'est-à-dire des œuvres surnaturelles et des miracles, on peut dire qu'il ne mérite que peu, ou même point du tout l'estime de l'âme, car si l'on fait exclusion du profit spirituel, ils n'ont pas beaucoup d'importance, ou, à vrai dire, ils n'en ont aucune pour l'homme, par eux-mêmes ils ne sont pas un moyen immédiat d'union, à la charité seule il appartient de faire parvenir à cette heureuse fin. En effet, l'exercice de ces œuvres et de ces actions merveilleuses ne dépend pas de la grâce sanctifiante et de la charité, tantôt Dieu accorde ce pouvoir à des âmes privées de la grâce, comme il le fit pour l'impie Balaam. Tantôt ces prodiges s'effectuent par la puissance du démon, comme ceux de Simon le magicien, ou enfin par une vertu secrète de la nature. Cependant, si, parmi ces grâces extraordinaires, il s'en trouvait qui procurasse un profit réel à celui qui en a reçu le don, ce serait évidemment celle dont Dieu est le principe. Or, pour celle-là même, à part leur avantage spirituel, saint Paul nous instruit sur leur valeur. Si je parlais toutes les langues des hommes, et le langage des anges, si je n'ai point la charité, je ne suis qu'un airain sonnant, et une cymbale retentissante, et si j'avais le don de prophétie, l'intelligence de tous les mystères et une parfaite science de toutes choses, si j'avais une foi capable de transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13 1 2 Un jour viendra où les hommes amateurs de ces dons éclatants oseront réclamer la possession de la gloire en récompense de leurs actions, disant « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé, n'est-ce pas en votre nom que nous avons fait plusieurs miracles ?» Matthieu 7, 22. Et la réponse du Christ Rédempteur sera « Retirez-vous de moi vous qui faites des œuvres d'iniquité, ibidem, 23. Ô vous qui avez reçu de pareils dons, ne vous croyez pas pour cela de grands thaumaturges, mais réjouissez-vous uniquement du fruit spirituel que vous pouvez en retirer, pour servir Dieu avec cette ardente charité qui seule nous fait participants de la vie éternelle. Voilà pourquoi notre Sauveur reprit ses disciples, de ce qu'il témoignait trop de joie d'avoir chassé les démons, gardez-vous de vous réjouir si les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, Luc 10, 20, tel est l'enseignement de la bonne théologie. Tirons-en cette conclusion, que la seule chose dont l'homme puisse se féliciter, c'est d'être dans la voie qui conduit à la vie éternelle, autrement dit, c'est d'animer toutes ses œuvres d'un véritable esprit de charité. Or, de quel secours pour nous et de quelle valeur est aux yeux de Dieu, ce qui n'a pas le cachet de l'amour divin? Sachez-le, l'amour n'est point parfait, s'il n'est pas assez généreux et assez fort pour purifier l'âme de toutes les satisfactions étrangères, et pour concentrer toutes ses complaisances en Dieu seul. Chapitre 30. Des préjudices causés à l'âme, lorsqu'elle place la joie de sa volonté, dans cette sorte de bien. À mon point de vue, l'homme peut éprouver trois principaux dommages, en mettant sa joie dans les biens surnaturels. D'abord il s'expose à tromper et à être trompé, ensuite à subir un certain détriment dans la foi, enfin il court risque de se laisser aller à la vaine gloire ou autre chose semblable. Quant au premier dommage, il est très facile d'induire les autres en erreur et de s'illusionner soi-même. Lorsqu'on se complaît dans ses œuvres surnaturelles, en voici la raison, il faut une prudence très grande, et une lumière extraordinaire de Dieu, pour discerner la fausseté ou la vérité de ses prodiges, pour connaître avec précision la manière de les produire, et le moment opportun pour les accomplir. La joie et l'estime que l'on en fait, amoindrissent grandement cette lumière et cette prudence, et cela pour deux motifs. L'un vient de ce que cette joie émousse et obscurcit le jugement, et l'autre naît de l'attrait, qui non seulement excite l'homme à désirer ses biens le plus tôt possible, mais encore l'incline à les vouloir en dehors du temps prescrit par le Seigneur. Or, supposez que de tels faits viennent véritablement d'un principe divin. Il suffit de ces deux défauts pour se méprendre sur leur sens réel, ou pour n'en pas profiter de la manière et dans le temps convenable. À la vérité, Dieu, le distributeur de tout don et de toute grâce, donne selon le besoin la lumière et l'impulsion, pour s'en servir à l'heure favorable et de la façon dont la plus utile. Mais l'homme peut encore s'abuser fréquemment, par suite de l'imperfection et de l'esprit de propriété qu'il contracte à leur égard, n'en usant pas avec la pureté exigée par le Seigneur, et au gré de sa sainte volonté. L'histoire de Balaam s'accorde bien avec ce que nous disons. Il fut assez téméraire pour vouloir jeter contre l'ordre de Dieu des malédictions sur le peuple d'Israël, et le Seigneur irrité le menaça de mort. Nombre 22:22. Saint Jacques et Saint Jean, emportés par le zèle de la gloire de Dieu, demandèrent à faire tomber le feu du ciel, Luc 9:54, sur les Samaritains, qui refusaient l'hospitalité à notre Seigneur, le divin maître les en reprit aussitôt. Ces exemples mettent en évidence comment les esprits imparfaits dont nous parlons peuvent être poussés à faire ces actions extraordinaires, en dehors du temps convenable, par le mobile d'une secrète passion de joie et d'estime. Les âmes exemptes de semblables défauts attendent de l'impulsion divine pour se déterminer à faire usage de ces dons gratuits, selon le mode et au moment voulu par le Seigneur. Écoutez Dieu se plaindre par Jérémie de certains prophètes, « Je n'envoyais pas ces prophètes, et ils couraient d'eux-mêmes, je ne leur parlais point, et ils prophétisaient, Jérémie, 23:21. Un peu plus loin il ajoute, « Prophétisez, ils ont séduit mon peuple par leurs mensonges et par leurs miracles, quoique je ne les ai pas envoyés, et que je ne leur ai donné aucun ordre, Ibidem, 32. Dans un autre endroit, il dit encore, qu'ils avaient des visions appropriées à la tendance de leur esprit, et ce sont précisément celles-là qu'ils divulguaient, ces abus n'auraient pas eu lieu. Si les prophètes n'avaient pas mêlé l'abominable attache de la propriété à leurs œuvres surnaturelles, le mal de cette passion n'entraîne pas seulement à faire un usage inique et pervers des dons divins, à l'instar du prophète Balaam et de ses semblables, dont les miracles tendaient à tromper le peuple, mais il excite encore à exercer ce pouvoir sans l'avoir reçu effectivement de Dieu. De ce nombre furent ceux qui prophétisaient, et publiaient les visions de leur invention, ou celles dont le démon était l'auteur. L'ennemi du genre humain exploite alors la disposition de ces hommes, affectionnés aux faveurs extraordinaires, il leur ouvre à ce sujet un vaste champ, et exerce ses malignes influences sur toutes leurs actions. Ces malheureux, avec une hardiesse pleine d'effronterie, voguent à pleine voile sur l'océan de la perdition, en multipliant leurs prodiges mensongers, ils n'en demeurent pas là, la joie et la convoitise de ces biens les portent à de tels excès, que s'ils n'avaient fait jusque-là qu'un pacte secret, ils en arrivent à contracter avec Satan un pacte explicite et manifeste. En effet, beaucoup parmi eux opèrent ces choses extraordinaires en vertu de cet horrible accord qui les constitue ses alliés et ses adeptes. De là viennent les maléfices infâmes des sorciers, des enchanteurs, des magiciens, des devins et des augures. Pour comble de mal, cette frénésie porte à acheter à prix d'argent les grâces et les dons de Dieu, comme le fit Simon le magicien, pour les faire servir d'après les instigations du démon, Actes 8:19. On en vient à s'emparer des choses sacrées, et peut-on le dire sans frémir d'horreur, même des divins mystères, daigne le Seigneur étendre jusqu'à ces misérables les effets de sa miséricorde infinie. Chacun comprendra aisément combien de tels hommes sont un terrible fléau pour eux, et pour toute la chrétienté. Rappelez-vous les illusions grossières et abominables des mages et des devins du peuple d'Israël, que Saul fit mettre à mort pour avoir voulu imiter les vrais prophètes de Dieu. 1. Rois 28:3. Le chrétien doué de quelque grâce surnaturelle doit se garder du désir empressé de la produire, et le Tout-Puissant qui la lui donne pour l'utilité de son Église ou de ses membres, l'excitera surnaturellement à s'en servir. Quand et comme il conviendra, le divin maître ordonna à ses disciples de ne pas se tourmenter de ce qu'ils auraient à dire dans les interrogatoires, ni de quelles expressions ils devraient se servir, parce que leur réponse serait l'effet surnaturel de la foi, de même dans l'exercice de ses œuvres, non moins surnaturelles, Il veut que l'homme attende la motion intérieure de l'Esprit Saint pour agir, car toute vertu découle de sa vertu, quoique les disciples eussent reçu d'une manière infuse les grâces et les dons célestes. Ils n'en adressaient pas moins à Dieu cette prière, rapportée au livre des Actes des Apôtres. Donnez à vos serviteurs la force d'annoncer votre parole avec une entière liberté, et étendez votre main, afin qu'il se fasse, par le nom de votre Fils Jésus, des guérisons, des prodiges et des merveilles. Actes 4, 29, 30. Le second dommage est un détriment que subit la foi. Il peut dériver du premier de deux manières. L'une regarde le prochain. Par exemple, si une personne entreprend de faire des miracles, ou d'exercer un pouvoir extraordinaire sans nécessité et hors de propos, non seulement elle tente Dieu, ce qui est une faute grave, mais il pourra encore se faire que les faits ne répondent pas à son attente. Alors les cœurs seront exposés à subir une diminution dans la foi, poussée souvent jusqu'au mépris, que si le miracle s'opère, Dieu le permet ainsi pour des motifs connus de lui seul, comme il le fit pour la pythonisse de Saul, 1, Rois, 28, 12, si toutefois ce fut réellement l'ombre de Samuel qui lui apparut, de toute façon, les auteurs de ces merveilles sont donc exposés aux erreurs et aux fautes, par l'usage déréglé et abusif qu'ils en font. En second lieu, l'homme peut éprouver en lui-même une perte notable, sous le rapport du mérite de la foi, l'estime exagérée des miracles, dont la puissance lui a été donnée, le détourne de la pratique essentielle de cette vertu théologale, qui est une habitude obscure par elle-même. C'est pourquoi, là où abondent les preuves et les faits surnaturels, il y a moins de mérite à croire. À ce propos, Saint Grégoire nous dit, la foi est vide de mérite. Lorsque la raison humaine et l'expérience lui servent de preuve, Saint Grégoire, homme 26e, Évangile, Migne, Patrologia Latina tome 76, page 1197. Dieu opère ces choses extraordinaires, quand elles sont nécessaires pour l'augmentation de la foi, ou pour d'autres fins qui intéressent sa gloire et celle de ses saints. De peur que ses disciples ne perdissent le mérite de la foi, s'ils acquéraient par des signes manifestes la preuve de sa glorieuse résurrection, notre Seigneur multiplia d'une manière indirecte ses avertissements. Afin de les en convaincre sans qu'ils en eussent été les témoins, il leur fit d'abord annoncer son triomphe par les saintes femmes, Matthieu, 28, 10, et ce fut seulement ensuite qu'ils visitèrent le sépulcre, Jean, 20, 3. De même il pressa Marie-Madeleine d'aller voir le tombeau vide, Ibidem, puis il députa les anges pour lui révéler le mystère, Luc, 24, 6, afin que la foi venant de lui, Romains, 10, 17, dit saint Paul, elle crut par l'audition avant d'avoir vu. Au moment même où le divin maître daigna se montrer à elle, ce fut sous la figure d'un jardinier, Jean, 20, 15, notre Seigneur voulant ainsi perfectionner sa foi restée jusque-là imparfaite. Par suite de l'attachement trop humain qu'elle portait à sa présence sensible, Jésus se joignit aux disciples d'Emmaüs, Luc, 24, 15, comme s'il était un étranger, et enflamma leur cœur avant de se manifester à leurs yeux. Enfin, après avoir réprimandé tous ses apôtres, d'être restés incrédules à la parole de ceux qui leur avaient annoncé sa résurrection, il reprit en particulier saint Thomas, d'avoir voulu se convaincre par sa propre expérience en touchant ses plaies sacrées, « Bienheureux, lui dit-il ceux qui ont cru sans avoir vu, Jean, 20, 29. » À toutes ces citations, on peut encore ajouter ceci, que Dieu n'est pas toujours porté à multiplier les miracles. Ainsi il adressa ce vif reproche aux pharisiens, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, Vous ne croyez point, ibidem, 4, 48. Par conséquent, les âmes dont l'affection désordonnée se porte sur ces œuvres surnaturelles, souffrent un grand préjudice par rapport à la foi. Le troisième dommage est d'exposer les âmes à la vaine gloire et aux pensées présomptueuses de la vanité, la joie même que procurent ces merveilles, est déjà une vanité, parce qu'on ne la goûte pas purement en Dieu et pour Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur blâma ses disciples de s'être réjouis d'avoir de la puissance sur les démons, Luc 10, 20. Jamais il ne leur eût adressé cette réprimande si cette joie n'eût pas été vaine. Chapitre 31. Du double avantage que l'on retire de l'abnégation pratiquée à l'égard des grâces surnaturelles. Outre les trois préjudices, signalés plus haut, dont l'âme se délivre par la privation de cette joie, elle recueille deux précieux avantages, le premier est de glorifier et d'exalter Dieu, le second, de s'élever au-dessus d'elle-même. L'âme peut exalter Dieu de deux manières, d'abord si elle détourne son cœur, et l'affection de sa volonté, de tout ce qui n'est pas Dieu, pour les fixer en lui seul, l'homme élivra son cœur, et Dieu sera exalté, psaume 63, 7. Le sens de cette parole de David a déjà été rapporté au commencement du traité sur la nuit de la volonté, en effet, quand le cœur plane au-dessus de toute chose, l'âme participe à sa force ascensionnelle, Dieu est donc loué et glorifié dans cette âme qui concentre en lui seul toutes ses affections. Il lui manifeste alors son excellence et sa grandeur suprême, et lui donne comme un témoignage de ce qu'il est, par le fait même de cette élévation de son cœur en lui. Ceci n'a pas lieu sans que la volonté soit plongée dans le vide et dans le dénuement absolu, par rapport aux joies et aux consolations. Comme l'enseigne encore le Seigneur par la bouche du roi prophète, laissez tout, et considérez que c'est moi qui suis Dieu. Psaume 45, 11, et ailleurs David ajoute, « C'est en passant par une terre déserte, aride et sans chemin, que je me suis présenté devant vous comme dans votre sanctuaire, pour contempler votre puissance et votre gloire. » Psaume 62, 3. S'il est vrai que Dieu est glorifié par le complet renoncement à toutes les satisfactions du cré, ne sera-t-il pas beaucoup plus exalté si l'âme se dégage de toutes les grâces extraordinaires, pour s'attacher sans partage à lui seul, puisque ces grâces, en tant que surnaturelles, ont une excellence supérieure à celle des autres biens, ainsi, les abandonner pour établir sa joie en Dieu, c'est exalter sa gloire et sa souveraineté, plus les choses que l'on méprise pour un autre objet sont nobles et précieuses, plus on témoigne d'estime et on rend hommage à cet objet, Dieu est encore glorifié d'une autre manière. Lorsque la volonté se dégage du désir de ses biens, voici comment, l'âme exalte Dieu, dans la mesure où sa foi et sa soumission n'ont plus besoin de s'appuyer sur des preuves éclatantes. En effet, l'âme reçoit par la foi une connaissance plus vaste et plus complète que les signes et les miracles ne pourraient lui en faire acquérir. Nous disions, en commençant, que le second avantage est d'élever l'âme au-dessus d'elle-même, par le détachement de tous les témoignages extérieurs et de tous les faits miraculeux, sa volonté arrive à une foi très pure, que le Seigneur lui communique à un degré beaucoup plus éminent, en même temps. Il augmente en elle les deux autres vertus théologales, l'espérance et la charité, l'âme jouit alors de sublimes et divines connaissances, grâce à cette habitude obscure de la foi, qu'elle possède dans le dénuement absolu des facultés intellectuelles, la charité y puise ses ardeurs les plus suaves, enfin la volonté trouve son repos et sa satisfaction dans l'espérance, dont le seul objet est la possession du Dieu vivant. Ces avantages ineffables sont d'une importance essentielle et directe, pour réaliser l'union parfaite avec Dieu.